Le 17e festival de l'architecture 20 ans mai a été clôturé le 12 au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. À la cérémonie de clôture, ont pris part Oh Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les officiels des domaines du bâtiment comme dessin, exécution et contrôle, de la science et de l'enseignement, les architectes, techniciens, enseignants et chercheurs. Pendant le festival, les participants ont échangé leurs succès et expériences obtenues dans le travail. On y a publié le résultat de jury et conféré les coupes, certificats et diplômes aux meilleures unités d'activité et participants.